meurtrice, mais l'amour, et puis donner la vie, enfant de tout. Voilà, on arrive. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2. Yves et Cazé sont à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui, pour la musique antillaise, nous avons fait appel au groupe Kassab et en particulier à Jocelyne Berroir. Et pour nous réchauffer un petit peu, hein, on va avoir besoin de se réchauffer. Oui. Un voyage musical avec les Inuits du Groenland. Et puis trois coups de chapeau à Marc Dessola. Et une promenade en chanson française sur la banquise fondante. Allez, place à la musique antillaise. Le groupe Kassab est un groupe de musique des Antilles, créé en 1979. Et en créole, Kassab signifie galette de manioc. Kassab a joué sur les cinq continents et a fortement contribué à la promotion de la musique antillaise en dehors des frontières. Et c'est en 1986 que la voix féminine du groupe, Jocelyne Berroir, sort son album So, qui deviendra le premier disque d'or pour une chanteuse antillaise, Siwo Kassab, Jocelyne Berroir. Le Groenland, comme dirait Cazé, le Groenland, c'est au pôle Nord. Ben oui, c'est un pays constitutif du royaume du Danemark et un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Le Parlement danois a voté la loi sur l'autonomie renforcée du Groenland en 2009 et il cède à son ancienne colonie 32 domaines de compétences, dont ceux de la police et de la justice. En revanche, la politique monétaire, la défense et la politique étrangère restent toujours sous contrôle danois. Voilà, vous savez tout. Le Groenland a une superficie équivalente à 3 ou 4 fois celle de la France et une population seulement de 56 000 habitants, ce qui pourrait se comparer à une ville comme Chambéry ou Annecy. Le Groenland est situé entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique, à l'est de l'archipel arctique canadien, au nord-est de l'Amérique du Nord. Et c'est vers 1250 que les Inuits, dont la civilisation et la culture étaient centrées sur des techniques particulières de chasse, alors on chassait le phoque, le morse, la baleine et le caribou, eh bien c'est en 1250 que les Inuits pénétrèrent au Groenland. Actuellement, la capitale est Nuuk, avec 18 000 habitants. Je renonce à vous donner les titres des chansons du Groenland, chansons du Groenland. Premier coup de chapeau à Marc Dessola. Singulières et attirantes, parfois un tantinet déroutante, faite d'espoir et de dérisoire, de doute et de jubilation, de nonchalance et d'emportement enthousiasme, les petites tranches de la vie que nous compte Marc Dessola sont de celles que l'on goûte avec un petit sourire ravi. Celui qui vient lorsqu'on a l'impression de se reconnaître et de faire partie de l'histoire. La chanson, c'est Mon Bordel, Marc Dessola. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sale et mon œuvre d'art. J'ai pas senti le vent tourner, j'ai pas vu la pluie tomber et la roue a sûrement dû se briser, je l'ai laissé se noyer dans la boue. J'ai eu ce que j'ai voulu, je l'ai bien entretenu, j'ai cherché. Je sais ce que j'ai perdu et comme de bien entendu, j'ai trouvé. D'un peu de persévérance en tirant sur l'ambulance, il suffit. J'ai bien tenu la cadence, je discute avec le silence et la nuit. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk. C'est mon brouillard, c'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon nombril et mon miroir. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure de gloire. Je ne vais rien ranger, je crois. simple, mes pieds, mon bonheur. J'essaie de deviner si de la liberté j'ai l'odeur. J'ai laissé se multiplier, se casser, s'envoler les tempêtes. Je n'ai rien ramassé, j'ai laissé s'entasser les assiettes. Comme deux gouttes d'eau, deux frères de sanglots, on se ressemble. Toi et moi en solo, toi mon alter ego, on s'assemble. C'est mon bordel, mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon nombril et mon miroir. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure de gloire. Endormi sur des lauriers mal acquis, le dessert s'est un peu refroidi et soudain j'ai remis le couvert. Je laisse les affaires, je garde la poussière, je fabrique. Je creuse dans la terre, je taille dans la pierre et la brique. J'ai pas su lire entre les lignes si la rose était le signe d'un destin. J'ai cassé le vase de Chine, je récolte les épines de sa main. Mon bazar, mon souk et mon brouillard. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon œuvre d'art. C'est mon bordel, mon bazar, mon nombril et mon miroir. C'est mon bordel, mon bazar, mon sel et mon heure de gloire. C'est mon bordel. Viens dans mon igloo. C'est une chanson de 1974, écrite et composée par Cyril Assous et Claude Lemel. Viens dans mon igloo, tes beaux yeux m'ont rendu fou. Viens à la maison, il y a du feu et des poissons. Viens à la maison, il y a du gin et des glaçons. Viens dans mon igloo, Carlos. Un esquimau se mourait d'amour, mélancolique faisait sa cour, et chose grave dans ce décor, il perdait le nord. Mais il donna rendez-vous un soir, sous le soleil de minuit et quart, à sa promise et lui fit, dit-on, des propositions. La belle a suivi un Finlandais, un méridional, tout à fait banal. Désespéré, le cœur en morceaux, notre homme qui n'était pas manchot saisit sa plume et lui écrivit cette poésie. Tiens, parlez plus à vos fiancés de vos estampes, c'est dépassé. Soyez modernes, n'hésitez pas, dites-leur tout bas. Le Groenland, ben c'est un paradis pour les aventuriers. Des rudes déserts polaires au nord, des fjords sculptés dans la glace et des fermes à moutons au sud, les destinations palpitantes ne manquent pas dans ce pays. Randonnée sur une couche de glace préhistorique, et dans certains endroits, il est possible de marcher sur la calotte glaciaire pour y découvrir des montagnes enneigées, de l'eau douce gelée et une faune diversifiée. Alors, admirer le grand glacier, le célèbre fjord glacier d'Illulissat. Ah oui, ah ben, là vous allez pouvoir vous rigoler. Hein. Alors, le célèbre fjord glacé d'Illulissat. Il forme une galerie naturelle et nous raconte l'histoire de la planète, à découvrir en bateau, en hélicoptère ou par voie terrestre. Plonger dans les sources chaudes, oui, des sources chaudes, ces baignoires naturelles sont agréablement à 37 degrés, et bien que certaines atteignent les 60 degrés, c'est au Groenland. Découvrir la beauté des aurores boréales, le plus grand spectacle de lumière sur Terre, surtout lorsque les nuits sont plus claires entre décembre et février. Visitez le grand parc naturel du monde sur 1400 km. Son principal attrait étant incontestablement l'abondance de sa flore et de la faune. Et c'est au nord-est du Groenland, à Itokortormi. Ah ben attendez, moi je vais vous l'appeler. Je vais vous l'appeler. I-T-O-Q-Q-O-R-T-2-O-R-M-I-T. Bon, vous pouvez vous marrer maintenant. Donc, c'est cet endroit-là que se situe la porte d'entrée dans ce parc. Sur place, on pourra contempler les eaux cristallines surplombées de montagnes, juste avant d'apercevoir des morses géants et le majestueux ours polaire, un véritable paradis arctique. Et puis découvrir les momies du Musée national du Groenland, 4500 ans d'histoire. Le joyau du musée, ce sont quatre dépouilles, enterrées avec leurs habits datant de 1475, de véritables momies naturelles créées par les températures polaires. Faire connaissance avec les baleines pendant les mois d'été, la glace de la plupart des fjords fond en mai, donc juin et juillet, sont les meilleurs mois pour voguer entre icebergs et observer les baleines, les phoques, les saumons et les truites. Explorer les sites vikings, les vestiges des colonies scandinaves d'Éric le Rouge. Découvrir la faune arctique en attelage de chiens de traîneau, aigles lagopèdes, lemmings et le rare loup arctique. Les ours polaires sont généralement observés dans le nord et l'est du Groenland, où ces animaux chassent sur la banquise une chanson inuite, et là il va falloir monter le son. We'll be right back. deuxième coup de chapeau à Marc Dessola. Avec ses textes qui racontent, sans trop en dire, entre premier et second degré, ces mélodies toutes douces qui savent laisser la place à la poésie teintée d'humour d'un auteur qui ne se prend pas au sérieux, mais qui sait si bien faire danser les mots et swinguer les notes. La frontière, Marc Dessola. Tout ce temps en cavale, à fuir sans raison, une quête infernale, chasser les papillons, envie de partir et voir si tu me suis, ne jamais revenir et puis changer d'avis. Une paire de menottes, une corde au cou, se noyer dans la flotte et qu'elle n'ait plus de goût. Perdre sa liberté, percher sur un point de vue, et camper sur l'idée de ne pas finir pendu. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. Par les pieds, le doigt et la bague, me voilà libre et débarqué sur ce terrain vague. J'ai gravé dans ma pierre ce nouveau sentiment. Ici tout reste à faire, tous les deux artisans. Dans ce monde à construire, plus rien n'est interdit. Dans ma ligne de mire, le ciel s'élargit. J'ai passé la barrière et si je la parle mal, cette langue étrangère deviendra familiale. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. J'suis monté dans le train pour ce long voyage, avec dans les mains ni billets ni bagages. Je marche sur le fil au son d'une pendule. De cette terre fertile, je deviens funambule. Ne plus tourner en rond pour trouver une place, un nouvel horizon où je laisse une trace. Pas de destination dans cette vie qui avance. Mon pays d'adoption devient mon pays de naissance. Plus de 38 semaines à traîner mes questions, à regarder la plaine devenir un ballon. Les pieds nus écorchés, j'avançais sans boussole. Je me suis allongé pour écouter le sol. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. J'ai passé la frontière, j'ai fini par sauter, la tête la première et me voilà sur pied. J'ai passé la frontière, je visite le pays. Un peu de décalage horaire et me voilà surpris. Face contre terre, c'est ma pierre qui s'effrite, le cœur qui se serre, le sien qui bat si vite. J'ai levé le mystère en changeant de pays, plus jamais solitaire depuis la dernière pluie. Et maintenant, une chanson dont les paroles ont été écrites par Pierre Delanoë. Ben oui, il a fallu les écrire, ces paroles-là. Interprétée par les sœurs jumelles Sophie et Magali, elle représentait le Luxembourg, cette chanson, en 1980, lors du concours Eurovision de la chanson, et elle s'y classa 9e sur 19. Sophie et Magali, le papa pingouin. Le son nerveux à ma main. pingouin, le papa, le papa, le papa, le pingouin, le papa, le pingouin adore sa banquise. Extrait de l'album Sibo, sorti en 1986, c'est maintenant la version initiale, avant qu'elle ne soit reprise en duo par Philippe Laville, Collet Serré, Cassav et Jocelyne Berroir. C'est dit ou pas même changer. Ma pâte est cassé, posé. Ma te cueille par les bas. Ma te même oublié. Ça m'a été caripoché. Ou un seul coup d'y a pas moins craqué. Ma te cueille le résisté. Si nous te prends temps pour nous te parler, connaissez-vous nous te cadencer. Si nous te prends temps pour nous te causer, connaissez-vous nous te cadencer. Si nous te prends temps pour nous expliquer, connaissez-vous. Mais si tu n'es pas temps pour nous t'es pas. Alors, à préciser, Jocelyne Berroir est depuis 2014 officier de la Légion d'honneur. Allez, on repart au Groenland. Que mange-t-on au Groenland? Autrefois, les Inuits se sustentaient essentiellement des produits de la chasse et de la pêche, alors des mammifères terrestres, des mammifères marins, oiseaux, poissons, crustacés ou mollusques, qui se mangeaient crus. Et cela leur valut le surnom d'Esquimaux, mangeurs de viande crue. Le vrai nom, c'est Inuit. Leur surnom, c'est Esquimaux. Bien sûr, aujourd'hui, on trouve la nourriture internationale. Cela dit, la nourriture traditionnelle au Groenland est toujours à base de protéines, de gras et de féculents. En viande, le phoque, avec la fameuse soupe à partir de viande de phoque bouillie, oignon et riz. La baleine, alors, qui donne une viande saignante, vilandreuse et très tendre. Le morse, une viande forte, vieillie pendant des mois sous des monticules de pierre. Le renne, le mouton, et rarement l'ours polaire, c'est peu fréquent. Hein. Les quotas de chasse sont très stricts, mais enfin, il se trouve qu'on peut encore chasser l'ours polaire, malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on entend. En poisson, le flétan, la morue, le saumon, le capelan, ces vastes et ombles chevaliers, ces poissons se consomment crus, bouillis, en papillotes, grillés au feu de bois, fumés ou séchés. Les crustacés avec les crevettes, les moules et les Saint-Jacques, les crabes des neiges et les oursins. En ce qui concerne les oiseaux, les eiders, les perdrix, les guillemots et les mergules. Les végétaux, les végétaux, il n'y en a pratiquement pas, hormis les baies sauvages, mûres, érelles, qu'on appelle dans les Vosges les brimbelles, les champignons, avec les bolets, les agarics, l'agaric c'est le champignon de Paris, les russules, la salade avec l'oseille et le pissenlit. Boisson, l'eau et le café, et afin de réduire les problèmes d'alcoolisme, les horaires de vente sont contrôlés, pas de vente après 18 heures, voire même totalement interdits au nord du pays. Chanson inuite. Oh, troisième coup de chapeau à Marc Dessola. Et si les personnages évoqués patauchent tous un peu dans la crème anglaise, si leur vie, ici ou ailleurs, sont comparables à de joyeux bordels, ils ont tous un point commun, celui de nous ressembler comme deux gouttes d'eau. Dans la crème anglaise, Marc Dessola. Au fond de ses poches, il reste un vieux chewing-gum. Sur la rive gauche, il compte les fantômes. Mettre une pierre blanche dans le fond du canal. Retrousser la manche, les pavés, la dalle. Contre les éléments, entre les mirages. L'ombre des monuments est son héritage. Son fardeau, son emblème est le poids de l'histoire. On n'a pas tous la même ligne de départ. Complexé de la choucroute et de la javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise, j'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise. Ses illusions, brûlées par le feu de l'admiration. Sous les références, il cherche et ne sait plus que la reconnaissance, c'est finir en statue. Quelle est cette quête et cette longue nuit? Est-il une recette pour la poésie? Un temps de sécheresse à l'ombre des platanes, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes dans la crème anglaise. Au son du tambour, il porte son silence. Il ne pèse pas lourd, son pied dans la balance. Noyé dans une goutte au fond d'une ruelle. Les alouettes se foutent de devenir immortelles. Dans l'œil, une poussière soufflée par le vent. Une foule en désert, un dos d'éléphant. Une lueur d'espoir, le temps qu'il respire. Tant pis pour la mémoire. Pourvu que ça transpire. Pourvu que ça transpire. Complexé de la choucroute et de la javanaise, quelque part entre le yaourt et la mayonnaise. J'ai suivi ma route en marchant sur les braises. J'irai noyer mes doutes par la crème anglaise. Nous continuons notre promenade sur la banquise fondante. Extrait de l'album de Francis Cabrel, Vise le ciel, album sorti en 2012. C'est la reprise de la chanson de Bob Dylan, Queen the Eskimo. Que tout le monde vienne, que tout le monde s'incline. Personne n'a jamais rien vu comme l'Eskimo Queen. Queen l'Eskimo, Francis Cabrel. Tout le monde veut son building plus haut que les nuages, son monument, son navire de toujours plus d'étages. Si c'est pour monter au ciel et voir derrière ce qu'il y a, quand Queen l'Eskimo arrive, il dit qu'il suffit de sauter de joie. Que tout le monde vienne, que tout le monde s'incline. Personne n'a jamais rien vu comme l'Eskimo Queen. J'avoue quelques faiblesses, j'aime pas quand tu pars. Marcher à ton pas de princesse, ça me donne du pouvoir. Je lance des graines aux pigeons pour qu'ils approchent aussi. Mais quand Queen l'Eskimo arrive, tous les pigeons volent vers lui. Que tout le monde vienne, que tout le monde s'incline. Personne n'a jamais rien comme l'Eskimo Queen. Les chats miaulent comme des alarmes et les chiens se mettent à hurler. La nuit se remplit de vacarme, mais je sais qui appeler. Personne n'arrive à dormir, on se marche tous sur les pieds. Mais quand Queen l'Eskimo arrive, tout le monde s'endort en paix. Que tout le monde vienne, que tout le monde s'incline. Personne n'a jamais rien vu comme l'Eskimo Queen. Que tout le monde vienne, que tout le monde s'incline. Personne n'a jamais rien vu comme l'Eskimo Queen. Personne n'a jamais rien. Mise en appétit par nos commentaires précédents relatifs à la gastronomie du Groenland, on sent bien que vous ne voulez pas en rester là, vous ne voulez pas rester sur votre faim, et que vous attendez des précisions, un peu comme des recettes de cuisine. Les gastronomes que vous êtes apprécieront l'eau à la bouche. Allez, le matak. Le matak, c'est un bout de baleine crue avec une pincée de sel. C'est bourré de vitamines et ça protège du scorbut et d'autres maladies. Le kiwak, ce sont des oiseaux non vidés avec plumes et viscères qui sont mis à macérer sous une pierre durant plusieurs mois dans une peau de phoque. Et après la macération, on leur arrache la tête pour sucer le jus de l'animal après putréfaction. Bon appétit. Le souassat, c'est le plat national avec la fameuse soupe faite à partir de viande de phoque bouillie, accompagnée d'oignons et de riz, un arrière-goût de poisson. Pour une première expérience, évitez de manger l'œil du phoque. C'est une friandise qui est très convoitée et n'est pas sûr que vous l'appréciez. Le misirak, de la graisse animale qu'on laisse fermenter pendant plusieurs semaines. Le hicnac, ce sont des morceaux de viande roulés dans de la graisse animale faisandée pendant des mois. Le steak de baleine, on découpe des tranches dans une partie maigre de l'animal et on fait macérer la viande dans du lait quelques heures. Après avoir fait blondir les oignons, on fait revenir la viande en aller-retour. On laisse reposer quelques minutes et ça, c'est un véritable régal. Et puis les nageoires de morse faisandées. Alors là, c'est vraiment destiné aux plus aventuriers. Les manger demande un réel courage. Gluante et enduite d'une moisissure verte, elle dégage une odeur pestilentielle. Bon appétit, chanson inuite. Et pour terminer cette promenade sur la banquise fondante, une chanson du groupe Beau Dommage, composée en 1974 par Michel Rivard. D'accord, ça ne se passe pas au Groenland, ça se passe en Alaska, mais c'est quand même la banquise. Et cette chanson a fait l'objet de nombreuses reprises, notamment par Félix Leclerc, par Eddy Mitchell en duo avec Nolwenn Leroy, et par Maxime Le Forestier et Vanessa Paradis. Maxime Le Forestier, c'est celui qu'on entend, et Vanessa Paradis, c'est la chanteuse qu'on n'entend pas, la complainte du phoque en Alaska, Paradis Le Forestier. Rêve-moi voir quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Parti gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. En pleurant tout bas, c'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais.